Vous êtes blues. Vous êtes rock. Vous êtes blues rock. Alors rendez-vous tous les jeudis de 18h30 à 20h sur RQC 95 FM dans l'émission Telling You. Telling You avec Marie et Francis. Vous aurez du blues. Vous aurez du rock. Vous aurez du blues rock. My pretty baby, she's the way I dream. Pretty little thing you ever did see. My baby knows how to dress so neat. Stop the traffic on the street. My pretty baby, she's so fine. Brought our sight to the blind. Found my baby. Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien sûr RQC 95 FM dans l'émission Telling You. Avec moi, comme tous les jeudis, aux manettes, Francis. Comme tous les jeudis, bonsoir Marie. Et ce soir, dans les studios, deux invités. Alors, un plus particulier que l'autre, j'ai envie de dire, puisque Fifi viendra vous présenter sa playlist. Et François, qui est venu il y a 15 jours... Et accompagne Fifi, allez, peut-être que tu lui laisseras un petit peu le micro quand même. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Je laisserai le micro s'il est gentil. C'est vrai. Bon, alors je vais quand même présenter aux auditeurs Fifi. Tu es un grand fan de blues. Je suis certaine que vous l'avez croisé car c'est un retraité heureux qui passe son temps en concert. Et lorsqu'il n'est pas en concert, qu'il n'est pas devant une scène, il écoute la musique chez lui. Et puis parfois, il vient ici présenter, donc à vous, chers auditeurs, et à nous également, parce que c'est aussi une surprise ce soir, une playlist qu'il prépare. Voilà, Fifi, la parole est à toi. Ah oui, alors la playlist, oui, mais c'est bien les concerts. Il faut aller au concert, c'est un conseil que je vous donne. Profitez. Alors là, on va commencer, pour moi, par peut-être le meilleur groupe qui existe, qui a existé, c'est l'Allman Brothers Band. Voilà, parce que bon, l'Allman Brothers Band ne feront plus de concerts parce que cette année, il y a Greg Allman qui est mort et puis Butch Trux. Je vous ai choisi un morceau de leur premier album où il y a tout, donc l'Allman, véritable Allman, avec Duane Allman qui est mort en 71. Il y a Greg Allman qui vient de mourir, donc il y a Barry O'Hackley, le premier bassiste, qui est mort aussi d'un accident de moto. Il y a Butch Trux qui est mort, et puis il y a Derek Trux qui lui est toujours là, et Jaimo aussi, c'est les deux qui restent. Alors, il y en a encore un, mais qui a plus fait partie de l'Allman depuis de nombreuses années, Dickie Betts quand même. Oui, mais Dickie Betts, mais je lui ai dit Dickie Betts. Ah oui, je lui ai dit, hein. Non, j'avais dit. Hein. Oui, bon, on va revenir sur Dickie Betts. Alors là, voilà, je vous ai choisi un morceau fétiche de l'Allman. C'est Weeping Post, c'est tiré de leur premier album de 69, l'Allman Brothers Band. I'm dying. C'était l'Allman Brothers Band de 1969. Donc, très bon choix pour commencer, Fifi. Et on va continuer un peu avec l'Allemagne, parce qu'on va passer à un disque de Dickie Betts, donc, qui sort en 1988. Donc en 1988, l'Allemagne n'existe plus, parce qu'ils se sont séparés en 1976, bon, suite à des problèmes avec Greg Allman, qui avait été arrêté pour possession de stupéfiants et... Il avait balancé quelques personnes et le groupe s'était séparé donc, à la suite de cet incident. Et donc Dickie Betts fait une carrière solo. Et là, l'album, donc, c'est Pattern Disruptive, qui sort en 1988 avec Warren Haynes, Johnny Neal et Matt Apps. Et ce disque, d'ailleurs, va conduire à la reformation de l'Allemagne en 1989. Donc le morceau, c'est Time to Roll. Ouais, t'as mis du roll. Yeah. Voilà, c'était Dickie Betts avec Warren Ennis. Alors, on va continuer avec Warren Ennis. Et on va parler du groupe à voir absolument sur scène. C'est Got of Mool. C'est ce groupe à voir. Bon, ils sont extraordinaires. Ils font des concerts de 3 heures. Oui. Hein, on a vu de très, très bons concerts. Et pour moi, il y a deux Got of Mool. Il y a le premier, donc qui a existé de 1995 à 2000, où il y avait Alan Woody à la basse. Et donc, je vous ai choisi un morceau de leur premier album, c'est Mule. We'll be right back. aussi la première version de La Mule avec Alan Woody, qui est un bassiste extraordinaire. Donc là, c'était un trio. Et après, ils sont devenus... Quatre. Un quatuor. Voilà. Voilà, donc, un quatuor. Il y a eu deux bassistes entre deux. Hein, il y a eu d'abord Andy Hess et maintenant Jørgen Carlsson. Qui est extraordinaire. Andy Hess était assez moyen, je trouvais, mais Jørgen Carlsson est vraiment un très, très grand bassiste. Avec en plus un clavier de prénommé Danny Lewis. Et donc, ils font une musique un peu moins dure, mais toujours très bien et très variée surtout. Hein. Donc, le morceau que nous vous proposons s'appelle « Drown That Way » de l'album « Revolution Come, Revolution Go » qui vient de sortir il y a peu de temps, il y a quelques semaines. Je crois qu'il y avait une anecdote sur cette chanson. Oui, oui, oui, parce que c'est un album anti-Trump, parce qu'ils sont rentrés en studio le jour de l'élection de Donald Trump et donc ils ont voulu faire cet album et c'est pour ça qu'il s'appelle « Revolution Come, Revolution Go ». Thank you. Voilà, c'était la mule. Or, un conseil, allez la voir quand elle passe en France. C'est extraordinaire, God of Roll. Voilà. Il faut vraiment y aller. Alors là, on va passer à Walter Trutz. Donc, bon guitariste très connu. Bon, il a joué avec Kanitz. Il avait joué aussi avec John Mayall et Blues Breakers. Il a été gravement malade en 2013. Il y a eu une transplantation du foie. Puis maintenant, il a retrouvé la grande forme. Il vient de sortir un album vraiment extraordinaire, avec plein d'invités prodigieux. John Mayall, Bonamassa, Sonny Landreth, Mike Zito, Musselle White et Warren Hines. Et ça, c'est d'ailleurs le morceau que je vous ai choisi. C'est un grand classique, c'est The Sky is Crying, donc Walter Trutz et John Mayall. Non, et Warren Hines. I got a real bad feeling. Oh, Et l'on vient d'écouter The Sky is Crying de Walter Trout, tiré de son album We're All in This Together, un album sorti en 2017 et un très bon album. Ah, t'as un bel accent anglais, hein. Mieux que moi, score. Moi, c'est dramatique. Hein. Bon, voilà, non, mais Marcus King maintenant. Marcus King, il a 21 ans. C'est un génie. Il a déjà deux albums à son actif. Donc il faut le voir, il est le 19 mars à Dunkerque, il va être au mois d'octobre à Paris, il fait une tournée au mois de mars un peu dans toute la France, et il va être dans beaucoup de festivals cet été. Voilà, donc je vous ai choisi un morceau donc, où il ne joue pas avec Warren Hines, là il va jouer avec Derek Strux, qui est aussi un ancien Allemand. Donc voilà, donc c'est tiré de son deuxième album, c'est Self-Hatred. It is with you and me. We'll be right back. Marcus King. C'est vraiment très très bien. Bon, c'est un peu le renouveau actuellement de la musique style Allman Brothers Band. Et là, on va passer à un groupe hollandais que j'adore, qu'on a vu à Saint-Solve. Et que j'adore aussi. Voilà, c'est Philby Freedom. Donc Philby Freedom est composé bien entendu de Philby. Philby qui a joué avec Bouston, qui a joué aussi avec King Mo, qu'on avait vu dans un festival en Belgique, qui était vraiment très très bien, King Mo. Ils ont sorti donc 4 albums. Puis depuis 2014, il a fait ce groupe Philby Freedom avec 2 guitaristes qui sont extraordinaires, John Claver et Berlon Roots. Et là, je vous ai pris un morceau de son album live de 2014, un morceau de Warren Hines. Et il fait une interprétation vraiment extraordinaire de ce morceau, c'est Soul Shine. When your world seems cold, you gotta let that speak. C'était Philby's Freedom sur le titre Solution tiré de leur album Coat Light sorti en 2014. Ce titre, il l'a joué à Saint-Saulve, Fifi, et c'était vraiment un chouette moment. Extraordinaire, il a fait lever la salle. Oui, vraiment. Et je vous conseille son album studio qui est sorti en 2016, Memphis Moon. Il est vraiment excellent aussi. Et moi, je vous conseille, s'il passe quelque part, il faut vraiment que ce groupe arrive à donner des concerts en France, que voilà. Alors, c'est un des meilleurs groupes européens actuellement. Je crois que le titre est très bien, mais on n'arrive pas vraiment à se rendre compte de ce que c'est quand on est devant sur scène. Et je l'ai déjà dit, il fait 1, 2, 3 et c'est nickel. Et puis ses compositions sont très bien, parce que là j'ai repris une reprise, mais normalement il fait assez peu de reprises, il compose énormément. Et franchement, c'est De toute façon, la semaine prochaine, Telling News, puisque ce sera la dernière de l'année, ce sera nos coups de cœur de l'année 2017. Il faut que Philby en fasse partie. Et c'est prévu, bien sûr. Oui. Alors là, on va parler aussi d'un autre de mes coups de cœur, c'est Mark Ford. En Mark Ford, peut-être, ça ne vous dit rien, ça a été le guitariste des Black Crowes de 1991 à 1997. Après, il a joué aussi avec Ben Harper, Lucinda Williams, il a joué avec beaucoup de monde. Et il fait une carrière aussi solo. Avec un groupe, c'est Neptune Blues Club. Et alors là, c'est un morceau de 2016. On l'a vu deux fois cette année en Belgique. C'est vraiment très un très, très grand groupe de rock. Donc, Je t'interromps deux minutes. Et moi, je l'ai vu aussi une troisième fois à Paris avec ton nouveau groupe de My Pie Salute, où justement, il joue avec le deuxième guitariste de Black Crowes. Oui, Rich Robinson. Et c'est aussi un très très grand groupe. Donc là, le morceau, c'est Arkansas Gas Card et c'est tiré de leur nouveau album qui s'appelle Vulture. Gas car and a Georgia overdrive. Got an Arkansas gas car and a Georgia overdrive. I've been running out of Tucson, lucky just to be alive. Yeah. like a Louisiana politician. With a sweet sidewinder smile. Like a Louisiana politician. Got that sweet sidewinder smile. Sure ain't nothing so lonesome as that old West Texas mile. Arkansas Gas Choir de Mark Ford and the Neptune Blues Club. Très bon morceau, Fifi. Oui, merci. Très très bon morceau. C'est vraiment quelqu'un aussi qui devrait tourner en France. Quand il vient, il va en Hollande, Allemagne, mais des fois en Belgique, mais jamais en France. Par contre, il y en a un qui vient en France, ouais. C'est Tommy Castro, que j'ai vu dernièrement donc, au New Morning. Tommy Castro vient de sortir un album qui est vraiment très très très très bon. C'est Stomping Ground. Et je vous ai choisi un morceau où il joue avec Maxito, un morceau qui est un grand classique, c'est Rock Bottom de Elvin Bishop. Donc voilà, Tommy Castro, Painkillers, avec Maxito en invité. Busted, disgusted, Et voilà, c'était Tommy Castro avec Maxito. Et là, on va passer à une légende du rock. Mitch Ryder, chanteur de Détroit, Détroit Waltz ou Détroit avec Steven Tyler. Un grand, grand, grand chanteur qui tourne toujours, mais simplement, il ne vient jamais en France. Alors là, je vous ai choisi un album qui a été enregistré à l'Harmonie de Bonn en 2008. Et j'ai choisi cet album parce qu'avec François, on va aller le voir cette année à l'Harmonie, d'ailleurs, de Bonn, le 4 mars. Et le morceau donc, que je vous ai choisi, c'est Moondog House. Que je dédicace à mon fiston. Ah, au fiston de Marie, oui. Ouais. Mitch Ryder. Thank you. Voilà, Mitch Ryder, j'attends avec impatience 4 mars pour le voir à Bonn. La dernière fois que j'ai vu, c'était en 1997 à New York. Donc voilà, là on va parler d'une autre légende, Suicide Johnny and the Asbury Jugs. Donc Suicide Johnny, c'est l'un des grands regrets du rock. Il n'a jamais eu une carrière qui... le succès qu'il méritait. C'est un mélange de soul, de rock, avec beaucoup de cuivre. C'est vraiment extraordinaire. Et puis sur scène, c'est vraiment la fête. J'ai vu au mois de juin à Paris, il a donné un concert encore extraordinaire. Donc là, c'est leur dernier album qui s'appelle Asbury Park to Paris Non-Stop. Asbury Park, c'est un quartier de New York et il vient de ce quartier. Et l'album, et le morceau, c'est Harder Than It Looks. It's hard waiting in line. I could get angry, could get all worked up, but what good would it do? She's so fine and I like my chances. No use losing my cool. I got money in my pocket and I'm ready to spend. It takes a lot to keep this car on the road. You got to keep your concentration. It's a tricky situation. Got to keep it up, keep it up, keep it up. It's harder than it looks. Harder than it looks. It's harder than it looks, brother. Now we're together, out on the highway. She's whispering low. I feel her hand coming my way. She says she's ready to go. Suicide Johnny. Donc on va rester près de New York et on va parler de Garland Jeffries. Donc Garland Jeffries, c'est vraiment le son de New York. Il a fait son premier groupe en 1969, un groupe qui s'appelle Grinderswitch, qui était vraiment très très très bon. Il a sorti son premier album solo en 1973. En 79, il a sorti un album extraordinaire qui est American Boy and Girl. En France, il est très connu parce qu'il est souvent passé dans Chorus sur l'émission d'Antoine Decaune quand il y avait encore du rock à la télé. Et Garland Jeffries, il a fait tous les genres musicaux, reggae, soul, pop, blues, funk. Et là, c'est plutôt un album blues qui date de 2013 avec Larry Campbell à la guitare. C'est Truth Serum et c'est le nom aussi de l'album. Pour that liquid down a man's throat. Chew serum. Get it down so fast. And that's all she wrote. Serum. Sleeping up on the rooftop. There he go. Juice serum. Laying out on the corner, bottling his coat. Talking about alcohol. True serum. Pour that liquid down the man's throat. True serum. Bring it down so fast. All she knows. Lies, lies, lies, lies, lies, lies. More lies and alibis. Pour that liquid. Let it seep in to his body so fast. Garland Jeffries. Donc maintenant je voudrais vous parler d'un nouveau groupe anglais qui a été formé en 2011, un groupe de blues rock, bon moi je dirais hard blues plutôt, avec un chanteur extraordinaire, Phil Campbell, et deux très très bons guitaristes, Luc Potashnik et Paul Sayer. Ils ont sorti un premier album en 2013, le deuxième Whitbeer en 2016. Ils vont en sortir un nouveau en janvier. Il faut vraiment aller le voir. Et ils passent dans la région le 29 mars au Deux Verts à Les Fanges. Et je vous conseille vraiment d'aller voir ce groupe. Le morceau qu'on passe, c'est Tribulets. Et le groupe, c'est Temperance Movement. Voilà, c'était Temperance Movement. Là, ça va être Simo. Simo est un power trio américain. Pour moi, c'est un groupe dont on va beaucoup, beaucoup parler dans l'avenir. Voilà, Simo. Le mort. We'll be right back. what's been wasted time. Voilà, c'était six mots. Le titre, c'était Shine de l'album Rise and Shine. Alors là, je voudrais vous parler d'un tout jeune guitariste anglais. C'est son premier album, c'est Ash Wilson. Il y a Roger Innis qui joue avec lui, ce bassiste de Laurent Jones, l'ancien bassiste. Et c'est vraiment un très très bon guitariste. Il a été nommé meilleur guitariste de blues en 2017. Et surtout, il va accompagner Sari Shore lors de sa tournée de 2018. Et on aura l'occasion de voir la boîte à musique de Waterloo le 23 mars, dans le cadre du festival Blues en Mars, un festival à ne pas rater. Voilà, donc Ash Wilson. Et c'est avec Ash Wilson que se termine ce Telling You. Merci Fifi pour tous ces bons morceaux. C'est court, hein, j'avais d'autres morceaux, je voulais vous passer d'autres choses, mais tant pis. Hein. Une autre fois. Ben oui, voilà, on est chassé de l'antenne. Bon, ben, au revoir, à bientôt. Hein. Merci. Et puis surtout, surtout aller au concert, c'est très important. Hein. Merci François pour la petite intermède que tu as faite. Mais... oui, merci François. Au revoir François. Ah ben au revoir. Bah oui, au revoir. Au revoir. Au revoir bientôt. Hein. Joyeuses fêtes. Bye bye. En musique. Bye. Hein.